Pour vos différents travaux de chauffage et de plomberie, c'est l'équipe de Plomberie Air Maurice qu'il faut consulter. Une entreprise professionnelle en affaires depuis plus de 40 ans qui saura bien vous conseiller pour vos travaux. Toute notre équipe vous souhaite une bonne année, santé, bonheur et prospérité. Ce sont les vœux de l'équipe de Plomberie Air Maurice du 277 route du 1er rang, Albanel. 418-276-2204. Nouvelle importante qui est survenue lundi, les Alouettes de Montréal ont annoncé la signature de Hugo Girard, qui a été le carrière du Rouge et Or au cours des dernières années. Hugo Richard qui a vraiment brillé avec le Rouge et Or. Question de savoir un peu comment il a vécu ça, est-ce qu'il y a eu d'autres équipes? On lui parle, on a également notre collaborateur Pascal Masson. Salut Pascal! Salut Dan! Et salut Hugo! Salut. Je vais y aller avec ma première question, Hugo. Par la suite, je vais laisser aller Pascal aussi pour sa question. Hugo, c'est un long cheminement d'arriver avec les Alouettes. Est-ce qu'il y avait d'autres formations de Ligue canadienne qui avaient montré de l'intérêt envers Hugo Richard? Il y en avait quelques-unes. Les Alouettes, ça a été relativement nouveau dernièrement, puis ça s'est passé tout très vite. J'avais un petit peu d'intérêt de Calgary, mais pas à la position de carrière, malheureusement. Puis... D'autres formations aussi, entre autres les Lions, le Canadien britannique, comme fullback, il n'y avait pas eu beaucoup d'intérêt de leur part. Un petit peu d'intérêt de la part de Hamilton et Ottawa comme carrière, mais vraiment absolument rien de concret. Les Alouettes sont arrivés la semaine dernière avec la volonté de m'offrir un contrat, ce qui était tout à fait bien reçu. OK. Pascal? Yeah, ben écoute, pour moi, de mon côté, Dan, c'est pas nécessairement une surprise de voir une équipe qui offre l'opportunité à Hugo, le joueur de foot en général, l'athlète, parce que c'est sûr, comme il l'a dit, là, déjà, il y avait eu de l'attention peut-être pour un changement de mission. Cependant, on voit que certaines équipes qui ont, dans le passé, fait des tentatives avec des carrières canadiens qui arrivent d'universitaires canadiens, et je crois nécessairement qu'il fallait que les Alouettes tentent leur chance. Puis là, je sais qu'on parle, puis là, Hugo, tu pourras me corriger, mais j'ai comme l'impression qu'on parle dans les dernières heures, là, peut-être d'un coup marketing ou peu importe, mais tu prends pas une chance pour un coup marketing avec un carrière juste pour ça. T'sais. Il faut que le joueur en question ait été en mesure de démontrer qu'il a une capacité à se présenter au camp puis à démontrer qu'il peut avoir une place. Fait que moi, c'est pas une surprise pour moi de voir ça. Je suis bien content que ça se fasse dans notre cours parce qu'on va pouvoir l'avoir à l'œil dès le début et de voir tous ses faits et gestes dès les premiers entraînements. Donc, de un, félicitations, Hugo, pour cette opportunité qui s'offre à toi. Et merci puis, de l'autre côté, je pense que je pense que Hugo a démontré aussi souvent le questionnement, deux questionnements qu'on peut avoir au niveau des corps canadiens provenant du sport canadien, c'est d'un, le nombre de matchs, les répétitions, est-ce qu'il y a eu assez de football, et l'autre, la force de son bras. Et puis ça, Hugo a démontré au cours des dernières années être en mesure de faire les deux, a été un des rares corps universitaires canadiens être partant du début à la fin, de son premier jour universitaire, et a également démontré être capable d'exploiter le terrain large d'un terrain canadien. Et puis, on le sait aussi qu'il y a des bonnes armes, Hugo, puis il va être en mesure d'exploiter sa vitesse sur un terrain canadien. Donc, j'ai quand même bel espoir de voir Hugo bien se battre là, au camp. OK. Hugo, moi, je vais y aller avec ta question, puis Pascal, tu me suivras si tu as des questions par la suite, là, que tu penses. Hein. Pourquoi qu'on fait pas affaire à les équipes de la Ligue canadienne n'ont pas plus confiance que ça à un quart canadien? Est-ce que c'est le fait que le quart canadien est pas compté dans le ratio ou en canadien, ou encore c'est parce qu'il y a tellement de carrières aux États-Unis que c'est comme les entraîneurs? Moi, j'ai l'impression que les entraîneurs au football canadien, on fait pas confiance beaucoup à des entraîneurs canadiens. Est-ce que c'est un peu le même principe? Pour quelle raison, selon Hugo Richard, qu'on fait pas confiance à des carrières canadiens qui viennent du processus du football universitaire canadien? Ça, c'est une question qui est un peu mystère, mais moi, je pense que ça vient beaucoup du... Tu sais, il y a une culture très américaine au niveau de la Ligue canadienne de football. Et aussi... c'est difficile pour eux de juger ou de comparer le niveau de jeu qui se trouve dans le football universitaire canadien versus le football universitaire américain. Je pense qu'ils sont plus portés à y aller avec ce qu'ils connaissent. C'est sûr que pour eux, puis je les blâme pas, le football universitaire américain est tellement plus gros que le football canadien que pour eux, les joueurs issus des programmes américains sont meilleurs. Oui, ils ont des très bonnes capacités physiques. Nous aussi, on a des joueurs avec des très bonnes capacités physiques. On en a sans doute moins, simplement parce qu'on a beaucoup moins de joueurs. Mais n'empêche qu'il y a quand même des très bons joueurs qui sont issus de programmes canadiens. Puis on l'a vu dans la Ligue canadienne de football. Il y a des joueurs canadiens qui ressortent et qui ont même leur essai dans la Ligue nationale de football au Sud. Alors c'est sûr que je pense que c'est un petit préjugé ou un petit manque de connaissances par rapport aux différences entre les deux ligues. Qui nuit un petit peu aux gens canadiens. OK. Pascal, as-tu quelque chose à ajouter ou une question? Je trouve que les commentaires Hugo sont pertinents. L'autre côté, c'est que le siège éjectable des entraîneurs au niveau canadien fait en sorte que souvent, ils ne sont pas prêts à prendre ce qu'on peut dire des risques ou des chances. De dire, parce qu'il faut investir en joueurs, en carrière. Et de prendre le temps d'investir en corps canadien à leurs yeux, un peu comme Hugo l'a mentionné, c'est peut-être un risque qu'ils sont pas prêts à prendre parce qu'ils savent pas combien de temps qu'ils vont être dans cette position-là. Et c'est pas pour rien que on a vu Calgary le faire avec Buckley dans le passé, parce que on avait une équipe d'entraîneurs qui était en place puis qui allait pas bouger de là, et ils ont pu investir envers cette carrière-là qui malheureusement pour lui, je veux dire, a poursuivi sa carrière professionnelle de médecine là. Ouais. Mais c'était, on a vu l'investissement rapporté quand même pour les Stampeders avec ce carrière canadien qui provenait des Dinos. Donc j'espère grandement qu'on va être en mesure de faire un peu cette stratégie du côté des Alouettes de Montréal avec Hugo. En lui permettant, bon, de se battre au camp d'entraînement, mais de l'impliquer également dans les matchs pré-saison, afin qu'il soit en mesure de démontrer ce qu'il est capable de faire. Et par la suite, ben, l'utiliser dans les petits packages et il permet de continuer à évoluer sur un moyen terme, tu sais, pas nécessairement sur du long terme, mais tu sais, au moins sur 2-3 ans. Okay. Est-ce que t'as promis quelque chose, Hugo? Est-ce qu'on t'a promis que tu vas faire l'équipe? Est-ce qu'on t'a promis qu'on pourrait t'utiliser dans une attaque Wildcat qu'on appelle, là? Parce que tu sais, Johnny Manziel est capable de courir, Pitkin également. Mais est-ce qu'on t'a promis ça pour faire signer, ou on t'a juste dit va au camp puis on va voir ce que t'es capable de faire? Je pourrais pas dire qu'il y a des promesses qui ont été faites. Okay. Il y a des intentions qui ont été faites, qui m'ont été mentionnées, c'est ça, c'est sûr. Écoute, on m'a dit qu'on allait me donner ma chance comme carrière, qu'on allait me considérer comme un carrière de prime abord. C'est sûr qu'il, tu sais, un carrière canadien recru. Lui, c'est les attentes aux directeurs généraux ne sont pas nécessairement très élevées versus par rapport à mes performances. Donc lui, il m'a dit ça comme ça, il m'a dit, On va te faire jouer quand même, on va donner ta chance, puis pour te permettre de te développer, d'avoir assez de temps pour te développer, dans le fond, pour justifier de te garder et de peut-être de t'habiller, ben on va essayer de te faire travailler sur des unités spéciales un petit peu. On va essayer de te trouver un package de troisième écho ou de short yardage, comme on dit en anglais. Aussi, peut-être un petit package Wildcat, parce que ce serait plus des courses du carrière. Il m'a dit des affaires comme ça, mais n'empêche que ça, c'est le directeur général. Je ne sais pas ce que l'entraîneur-chef va vouloir faire avec moi, alors j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se développer. OK, Pascal, as-tu autre chose à ajouter ou je peux continuer? Ça ressemble un peu à ce que je viens à mon souhait que j'ai mentionné juste un peu avant. Donc, en effet, puis le point qui est important qu'Hugo mentionne, c'est que il y a le directeur général qui dit quelque chose. Effectivement, une fois que la cloche est sonnée pour le combat aux places, mais là c'est l'entraîneur chef qui décide ça, c'est le coordinateur offensif. Donc on espère qu'ils sont sur la même page aussi. OK. Hugo, est-ce que le ratio, est-ce que, parce qu'il y a une convention collective qui s'en vient au football canadien, là, une nouvelle convention collective, est-ce que le fait qu'on obligerait une équipe, les équipes à aller chercher un corps canadien pour un contrat de 2 ans, les forcer à les développer par la suite, au bout de 2 ans, le corps canadien serait peut-être compté, ne compterait plus là-dedans. Est-ce que ça pourrait être une alternative pour développer les carrières canadiennes? Tu comprends ce que je veux? Moi, je crois pas en forcer les organisations à avoir des Canadiens. Ben, t'sais, en même temps, le ratio canadien, ça, c'est sûr que c'est nécessaire. Sinon, il y aurait tout simplement plus de Canadiens dans la Ligue, j'ai l'impression. De les forcer à avoir un carrière canadien et de développer un carrière canadien, moi, je crois pas nécessairement à ça. Okay. Simplement, d'inclure le carrière dans le ratio canadien-américain donnerait un avantage aux carrières canadiens, québécois, peu importe, qui sont issus de n'importe quel programme, hein, pour tout simplement leur donner une chance. C'est sûr qu'il y a déjà un avantage de plus à avoir un carrière canadien s'ils comptent dans le ratio. C'est un avantage. Tu mets un Canadien ou une position de corps qui est capable de faire la job, ça te permet de mettre un Américain ailleurs. Je veux pas, c'est comme ça que le directeur général va penser. Alors, juste, ça nous fait juste une corde de plus à notre axe. Ça va nous ouvrir d'autres portes, juste le fait que le ratio soit agrandi jusqu'à la position de carrière. OK. Pascal, d'autres choses? Ben, je vais continuer. Moi, je peux continuer? Non, il n'y a pas grand-chose à ajouter là-dessus. Je suis quand même en accord avec Hugo sur ce point. Dis-moi, Hugo, le fait d'avoir porté les couleurs du rouge et or, ça l'a certainement aidé aussi là-dedans? Je pense que oui. C'est une bonne organisation comme le Rouge et Or, qui y a des très bons entraîneurs qui sont connus à travers la Ligue canadienne de football. Je pense que ça aide beaucoup. Ça en dit long sur mon bagage. Ça dit que j'ai été bien coaché, que je connais mon football et que j'ai été en plus j'ai été capable de voir beaucoup de terrain à l'intérieur de cette organisation-là. Donc j'ai beaucoup d'expérience. OK. Pascal? Je continue là-dessus. Ben, c'est sûr que c'est toujours un plus de pour en provenant si tu viens d'un programme québécois du Québec. C'est toujours intéressant pour le fanbase de pouvoir suivre de provenir du rouge et or. Ben, c'est tous les partisans qui sont heureux de voir ça. Là. OK. Autre point que je veux t'en donner, Hugo, il y a une nouvelle... le football est en plein bouleversement avec deux nouvelles ligues. Il y a eu une entente qui est survenue cet automne à la Coupe Grey. C'était annoncé. Je ne sais pas si tu es au courant. La Ligue canadienne qui fait un partenariat avec la Ligue du Mexique. Les joueurs... Ce qu'on a pu comprendre de l'entente, c'est qu'il y a des joueurs canadiens qui vont aller jouer dans cette Ligue du Mexique-là. Et pour une espèce de ligue de développement pour la Ligue canadienne. Serais-tu ouvert à aller jouer à cette Ligue du Mexique? Est-ce que tu as entendu parler un petit peu de cette entente-là? J'ai entendu un petit peu. Je trouve que c'est encore nébuleux. J'ai pas vraiment lu là-dessus beaucoup. C'est sûr, c'est des opportunités de plus. C'est sûr que c'est intéressant. Le marché de mexicain pour le football américain est gigantesque, de ce que j'ai cru comprendre. L'engouement est là. Alors, ça peut être une bonne... D'un point de vue business, ça peut être tout simplement une bonne chose pour la CFL si elle peut gagner en popularité. Maintenant, si moi je serais prêt à déménager ma vie au Mexique pour aller jouer au football, je sais pas, faudrait que j'y pense. Pour l'instant, c'est pas dans les plans. Mais là, on parle comme d'un club ferme. C'est ça que les conditions qu'on a pu voir, là. Donc ce serait pas impossible que tu te ramasses là pour un an, question peut-être d'aller te développer. C'est possible. C'est quelque chose qui pourrait être envisageable aussi. OK. Pascal, as-tu une dernière question? Ben non, écoute, on a juste tous hâte. On a tout hâte. Au mois de mai, pour voir comment tout ça va se passer. Puis, j'espère, j'imagine, connaissant la rigueur à Hugo, je sais qu'il est déjà dans la salle d'entraînement en train... De se préparer puis de lancer des ballons sur le terrain. Donc, je te souhaite un bon off-season, Hugo, puis on a bien hâte de te voir dans l'uniforme des Alouettes. Dernière question, Hugo. Dernière question, Hugo. Tu donnes combien de temps pour dans tes objectifs là, pour être un cas, à tout le moins, là, progresser et faire partie au moins à part entière de l'attaque des Alouettes? Tu donnes combien de temps avec ça? Sachant que Johnny Manziel, présentement, t'as Manziel, t'as Pitkin. T'en as d'autres également qui sont sous contrat également avec les Alouettes. Tu te donnes combien de temps à peu près pour être faire partie de l'attaque des Alouettes? Moi, je me mets pas trop d'attente, mais évidemment, c'est sûr que ce qui serait le plus bénéfique pour moi, ce serait le plus rapidement possible. Ouais, okay. Si je veux augmenter mes chances d'être retenu ou d'être gardé avec l'équipe, le plus vite que je vais pouvoir accomplir ça, le mieux ça va être. Donc, je veux vraiment arriver là avec un bon mindset, puis d'être très déterminé, d'être très focus. Pour pouvoir être d'attaque pour me tailler une place sur l'alignement. Ben Hugo Richard, gros merci. Pascal, nous, on se parle des nouvelles chez les Alouettes. Un nouveau coordinateur défensif doit être nommé bientôt. Fait qu'on se reparle bientôt. Excellent. Hugo Richard et Pascal Masson qui nous parlaient de la signature de Hugo Richard.